La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les sciences peuvent-elles aider la démocratie ? Parmi les nombreuses exigences qu'il faut prendre en considération pour faire vivre la République comme un bien commun, il y a certainement celle-ci. Dans la République, la connaissance, les connaissances notamment scientifiques, doivent pouvoir circuler à l'air libre, se répandre et s'enseigner sans rencontrer trop d'obstacles. C'est une affaire de cohérence. La connaissance a ceci de républicain qu'elle est « affaire publique », entre guillemets, et la République, à défaut d'être elle-même savante, accorde à la connaissance une valeur propre et spécifique, une valeur qu'elle possède du seul fait qu'elle est une connaissance. Le problème est que la science n'est pas si facile à partager. De multiples causes, toutes fondées, sont régulièrement avancées pour expliquer cette situation, mais elles oublient souvent de rappeler cet avertissement du philosophe Théodore Adorno. « Aucune pensée, disait-il, n'est immunisée contre les risques de la communication. » Or aujourd'hui, à force de fabriquer de la fugacité, puis de la renouveler sans cesse, à force de promouvoir la vétille comme épopée du genre humain, les formes modernes de la communication se transforment en une vaste polyphonie de l'insignifiance. Dès lors, tout travail de discernement, de clarification, de transmission de ce qui est complexe, relève quasiment de l'héroïsme. Dès lors, comment pourrions-nous refonder les conditions d'une meilleure circulation des idées de la science ? Et en retour, certaines de ces idées pourraient-elles aider les démocraties à devenir plus robustes ? Si oui, lesquelles et comment ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité un biologiste et un physicien théoricien. Le biologiste, c'est Philippe Kourilski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des défenses immunitaires et de la vaccination, ancien directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences, et vous venez de publier un livre intitulé « De la science et de la démocratie ». Le physicien, c'est Jacques Trenner, physicien théoricien. Bonjour. Bonjour. Vous présidez également le groupe d'experts du Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Oui. Ce qui vous amène à avoir des engagements qu'on pourrait qualifier de politiques, n'est-ce pas ? Oui, au sens large, disons, oui. Et vous venez de faire paraître un recueil de vos chroniques. C'est le volume 2, puisque je vous avais déjà reçu pour parler du volume 1. Recueil qui s'intitule « Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal ». Est-ce que ça peut faire du bien également ? Ben, c'est l'espoir, oui, oui. En arrière-fond, je le crois très profondément. Alors, certaines de vos chroniques sont Il faut soigner la manière. Alors, certainement, mais certaines de vos chroniques sont des chroniques d'émerveillement, où on sent chez vous une forme d'enthousiasme pour la méthode scientifique et ce qu'elle permet de révéler. Mmh. Et puis d'autres sont plus politiques, notamment autour des questions d'énergie, de climat, oui, d'environnement. Oui. Et vous êtes particulièrement sensibilisé à la question de savoir comment bien dire ce que la science nous enseigne. Et vous luttez contre les opinions quand elles sont fausses, et puis les fake news, et puis le fait que les vérités qui nous font du mal ont du mal à percoler, puisqu'elles sont remplacées par des erreurs qui nous font du bien. On peut dire les choses comme ça ? On peut dire comme ça. Je pense que la chose importante, c'est d'arriver à développer des outils qui permettent de distinguer une opinion d'un énoncé scientifique. Alors par exemple, vous commencez par rappeler une expérience de pensée qui a été posé comme problème, en fait, par Marie Curie à sa propre fille, qui s'appelait Irène, qui a eu le prix Nobel ensuite, hein, comme sa maman. Et c'est une expérience de pensée que Marie Curie a proposée alors qu'Irène n'avait que 14 ans. 14 ans, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez la rappeler ? Oui. Et la réponse va donner quelques indications sur les talents précoces d'Irène Joliot-Curie. Oui, alors l'expérience de pensée est la suivante. On imagine un bocal rempli d'eau, avec un ressort fixé au fond, et à ce ressort est fixée une petite balle de ping-pong. Donc la balle de ping-pong voudrait bien remonter jusqu'à la surface, par poussée d'Archimède, mais elle est retenue par le ressort, donc elle allonge le ressort. Et la question, c'est la suivante, c'est on place maintenant ce dispositif dans un ascenseur qui qui casse, et donc il est en chute libre, et à partir du moment où ce dispositif est en chute libre, que se passe-t-il ? Un ascenseur qui tombe. Oui, ça fait penser à Einstein, ça. Oui. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour la balle de ping-pong pour et la pour balle le ressort ? Pour la balle de ping-pong et pour le ressort. Et alors, Irène réfléchit, bien sûr, et puis donne immédiatement la bonne explication, qui est que le ressort revient à sa position d'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le dispositif est en chute libre, il n'y a plus de pression à l'intérieur du liquide. Normalement, quand on s'enfonce dans un liquide, il y a la pression augmente, parce que les couches supérieures appuient sur les couches inférieures. Mais là, comme tout objet tombe de la même façon, tous les objets tombent de la même façon dans le champ de gravité terrestre, eh bien, il n'y a plus de pression à l'intérieur Ce que vous appelez sa position d'équilibre, c'est la position qu'il avait lorsqu'on n'avait pas encore fixé la balle de ping-pong. Absolument, c'est ça. Oui, c'est sa position au repos. Donc quand il tombe, tout se passe comme si les forces de gravité étaient annulées, finalement. Étaient annulées, voilà, exactement. Et donc la balle de ping-pong qui allongeait un petit peu le ressort, redescend un peu et le ressort reprend sa position quand aucune force ne s'exerce sur lui. Donc ça veut dire qu'à 14 ans, Irène Curie, qui n'était pas encore Irène Joliot-Curie, oui, avait déjà compris le principe d'équivalence. Alors non, je ne crois pas, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais simplement elle avait compris ce que c'était que la poussée d'Archimède et ce qui était à l'origine du gradient de pression dans un liquide. Alors, je viens vers vous, Philippe Kowalski. Cet ouvrage qui est un ouvrage dans lequel vous commencez par vous définir comme scientifique, hein, vous l'avez été toute votre vie en tant que biologiste, également comme démocrate. Alors, scientifique, on comprend ce que ça veut dire. Démocrate, c'est un sens qui est plus ambigu puisqu'il y a différentes formes de démocratie qui s'appuient sur des principes qui ne sont pas toujours si universels. Oui, et c'est bien le problème. Je me définis comme démocrate, j'aurais pu dire amoureux de la démocratie. Dans mes différentes activités au CNRS, à l'Institut Pasteur et même au Collège de France, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, donc j'ai vu beaucoup de démocratie, mais j'ai vu aussi beaucoup de non-démocratie. Et la conclusion que j'en tire, c'est que vraiment notre démocratie est quelque chose de merveilleux, dont j'observe la dégradation constante depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a induit poussé à écrire ce livre, qui m'a pris 3 ans de boulot. J'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et je l'ai calqué sur ma compréhension de la science. Et je pense que nous viendrons après à la question de savoir si et comment la science peut aider la démocratie. Mais j'ai calqué cette réflexion sur les notions scientifiques et des notions biologiques en me fondant sur une analogie qui est celle des organismes vivants. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison, nous le savons tous, il n'empêche que les comparaisons peuvent avoir leur zone de validité et peuvent inspirer. En l'espèce, si vous voulez, un organisme vivant, l'homme, ou n'importe quelle cellule, n'importe quelle bactérie, tous ces organismes vivants sont des systèmes complexes. Ces systèmes complexes sont en fait extrêmement robustes. Et la question de la robustesse mérite qu'on s'y arrête un petit peu, parce que je pense que c'est une notion absolument fondamentale dans les systèmes complexes, mais comme tout est complexe dans notre existence, c'est une notion fondamentale partout. Les systèmes complexes, il faut bien se rendre compte qu'ils ne peuvent que faire des erreurs perpétuellement. Notre organisme fait des erreurs perpétuellement, et nous ne survivons que parce que ces erreurs sont détectées et corrigées. Donc en d'autres termes, il ne suffit pas de vivre, il faut survivre. Et les mécanismes de la survie sont aussi essentiels que les mécanismes de la vie. Dans le corps humain, j'estime, et on ne peut pas prouver que ce chiffre est correct, est exact, qu'environ 10-15% des ressources de l'organisme sont consacrées à cette robustesse. Ça veut dire qu'en fait, nous faisons sans arrêt des petites infections, des petits cancers, des petits AVC, des petits tout ce que vous voulez, qui sont sans arrêt corrigés sans que nous nous en rendions compte. Donc nous sommes dans une sorte de problématique des trains qui arrivent à l'heure, tout le monde s'en fout, on trouve ça normal, etc. On ne considère que les trains et le RER qui arrivent en retard, et on ne se rend pas compte de l'énormité du travail qui fait que tout se passe bien. Donc j'ai appliqué cette ligne de réflexion, si vous voulez, à la démocratie en me disant, mais qu'est-ce qui fait qu'une démocratie marche mal ? C'est le fait que les mécanismes de détection et de correction des erreurs sont défaillants. Et donc mon analyse a commencé par là. Vous écrivez page 15 de votre livre, Philippe Kourilski, « Les démocraties sont des systèmes vivants ». Donc là, c'est plus une analogie, c'est quasiment une définition. Ben, ça veut dire qu'elles peuvent être attaquées de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Exact. Un peu comme un organisme vivant qui peut être victime ou agressé par son environnement. Par exemple, on peut mourir d'un coup de foudre. Enfin, de la foudre plutôt que d'un coup de foudre. Et puis, on peut mourir d'une maladie infectieuse qui vient donc de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que les démocraties vont de plus en plus mal, sont menacées et sont parfois délaissées au profit de systèmes qui semblent plus efficaces qu'elles ? Il y a énormément d'éléments qui vont dans ce sens. On ne peut pas dire que l'évolution actuelle des États-Unis nous renforce dans l'idée que la démocratie américaine va bien. Elle est, à mon avis, à la limite de la fracture. On ne peut pas dire que la démocratie indienne, que l'on qualifie de plus grande démocratie du monde, effectivement, l'Inde est en train de dépasser la Chine en termes de milliards d'habitants. L'Inde s'oriente vers 1,5 milliard d'habitants, plus que la Chine. On ne peut pas dire que ce soit une démocratie très inspirante, dans la mesure où, bien sûr, il y a des élections, mais bien sûr, il y a énormément de différences de caste, de problèmes sociaux, etc., etc. On ne peut pas dire que le Venezuela soit un exemple de dérive démocratique intéressante. Mais globalement, lorsqu'on regarde la croissance démographique dans le monde et qu'on se pose la question, dans cette croissance démographique, est-ce que le pourcentage de la démocratie va rester constant ou augmenter ou bien diminuer ? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse à cette question. Une diminution de la présence démocratique dans le monde est parfaitement possible. Et je pense que cela interroge sur la popularité de la démocratie. Et certains analystes ont tout bêtement relié cette popularité mondiale au degré de puissance des démocraties, qui effectivement occupaient le terrain de la puissance pendant des décennies ou quelques siècles. Or, cette puissance est aujourd'hui battue en brèche par d'autres puissances qui montent et qui ne sont pas démocratiques. Donc, si vous voulez, sans aller plus loin dans l'analyse, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de s'intéresser au problème. Alors vous dites d'ailleurs qu'à l'occasion d'un voyage à Singapour, vous avez rencontré un universitaire que vous avez interrogé sur sa démocratie, qui n'est pas tout à fait à l'occidentale, mais qui a montré une puissance économique extrêmement rapide. Et il vous répond, et ça produit un choc en vous, que je comprends, il vous répond « vos démocraties ne sont pas efficaces ». Il parlait des démocraties à l'occidentale, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'efficacité associée à la démocratie ? Est-ce qu'on demande à la démocratie autre chose que de se maintenir en tant que démocratie ? À mon avis, vous touchez au cœur du problème, c'est-à-dire que la question de la démocratie, c'est que ça n'est pas uniquement un processus, c'est un processus qui a ou devrait avoir des objectifs. Et ces objectifs, pour moi, sont tout bêtement, bien sûr, le bien-être des habitants qui vivent dans une démocratie. Si ces objectifs ne sont pas affichés, évidemment, on ne peut pas mesurer, entre guillemets, ou évaluer ou estimer la distance d'une production d'un appareil politique, si vous voulez, par rapport aux objectifs qui sont fixés. Il faut reconnaître que nous avons des exemples de dictatures éclairées qui sont extrêmement impressionnants. Mais le plus impressionnant de tous, c'est la Chine. La Chine a sorti des centaines de millions de Chinois de l'extrême misère. La Chine a résolu ses problèmes de famine. La Chine développe aujourd'hui un système de sécurité sociale pour 1,4 milliard d'habitants. La Chine a progressé sur le plan économique, comme on le sait, et ça n'est pas terminé, etc., etc. Question, est-ce que ce développement était possible en démocratie ? Réponse, on peut en douter. Vous citez d'ailleurs une ambassadrice, une dame qui a été ambassadrice en Chine et qui cite un intellectuel chinois disant en substance « Nous voudrions pouvoir choisir nos dirigeants, mais si nous le pouvions, nous choisirions les mêmes ». Oui, ça décrit bien un certain état d'esprit en Chine. Les Chinois sont extrêmement fiers de leur développement, ils sont extrêmement fiers de leurs dirigeants. Évidemment, il y a des souffrances au niveau des libertés et aujourd'hui, les libertés individuelles sont plus que jamais sous surveillance, si j'ose dire, avec des systèmes digitaux qui sont proprement terrifiants pour nous. Mais dans l'ensemble, les Chinois sont contents ou ont l'air contents du développement de leur puissance, etc. Et de l'augmentation de leur niveau de vie qui est spectaculaire. La ville de Shanghai est aujourd'hui la ville où l'on trouve le plus de Maserati dans le monde. Jacques Tanner, vous avez beaucoup voyagé, vous aussi. Vous êtes physicien et non pas biologiste. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, je voudrais faire un parallèle avec ce que Popper dit Karl des Popper. Théories physiques. Oui, Karl Popper, le philosophe, dit des théories physiques et qui a un prolongement concernant les sociétés et qui rejoint à peu près ce que dit Philippe Kourilski sur ce que c'est que la robustesse. Vous savez que il dit qu'on ne peut pas montrer qu'une théorie est vraie, parce qu'on ne peut pas la tester sur tous les exemples possibles, mais ce qu'on peut simplement faire, c'est montrer qu'elle est fausse. Et d'ailleurs, elle doit, dans ses énoncés, donner la possibilité d'être testée. En fait, il ne s'agit pas de montrer qu'elle est fausse, mais d'inventer des stratagèmes ou des expériences qui, si elle donne tel résultat, invaliderait la théorie. Voilà, absolument. Parce que le raccourci ferait penser que les théories scientifiques sont fausses, par définition. Non, en fait, donc ça permet de limiter le domaine de validation d'une théorie, etc. Bon. Et donc, cette idée, quand on la transpose aux sociétés, fait penser qu'il est vain de chercher une société idéale, ou disons que le mieux qu'on puisse rêver, c'est une société dans laquelle, comme les erreurs sont inévitables, ce que disait Philippe Kourilski tout à l'heure, les erreurs sont inévitables, eh bien, il faut avoir les moyens de les repérer et ensuite de les corriger. Or, les moyens de les repérer, ça suppose des formes de démocratie. Donc là, il y a un parallèle. Il n'y a pas de vérité, mais il y a des erreurs nécessaires. Ces erreurs, on peut les corriger, mais à condition d'avoir les moyens de les repérer et de les corriger. Donc il y a un parallèle intéressant, je trouve. Philippe Kourilski. Pour compléter ce que dit Jacques Tanner, je voudrais mentionner que la falsification à la Karl Popper s'applique à des systèmes physiques et des théories, et que je pense que la notion de théorie a évolué précisément avec les systèmes complexes. Donc pour moi, c'est un peu réducteur, mais pendant des décennies, ça n'est plus le cas maintenant, mais pendant des décennies, la physique a été formidablement réductionniste, et c'est grâce à ça qu'elle a fantastiquement prospéré. Bon. La biologie l'a été. La biologie moléculaire que j'ai connue à mes débuts, c'était terriblement réductionniste. On travaillait sur son petit gène, sa petite protéine, son petit machin, etc. Aujourd'hui, on a le génome entier. Du coup, on rentre dans des systèmes dont la complétude peut être supposée, disons, et commencer à être analysée. Et du coup, on rentre dans les big data et on rentre dans les systèmes complexes. Alors, vous avez un chapitre de votre livre consacré à la science de la complexité. Donc c'est, comment est-ce que vous la définiriez ? Le fait qu'il y ait des interactions qui augmentent la complexité, justement, qui l'élèvent au carré presque ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un assez grand nombre d'éléments et un assez grand nombre d'interactions différentes. Vous pouvez faire le calcul, l'expérience dans votre tête ou sur le papier, à partir d'une, vingtaine d'éléments avec 20 types de relations différentes entre tous les éléments, moi j'y vois plus rien. Et donc, on est déjà dans les systèmes complexes. D'ailleurs, vous montrez une image d'un réseau d'interaction de 600 protéines d'une cellule de levure de bière. Oui. Et ce schéma, qui montre toutes les interactions entre les protéines, ressemble à la carte de l'Internet telle qu'elle a été publiée en 2005, donc il y a assez longtemps. Aujourd'hui, je pense que le réseau serait beaucoup plus complexe. Oui, mais ce qui veut simplement dire que les systèmes complexes, il y a une transversalité, et il y a aujourd'hui une science des systèmes complexes qui est en train de s'élaborer, qui traverse la biologie, le climat, les écosystèmes, des bouts de la physique, etc., etc. Cette science des systèmes complexes, elle est habitée par quelques concepts majeurs, et l'un des plus importants est le concept de robustesse. Jacques Trenner, vous vouliez réagir ? Oui, il y a des cas où la complexité n'est pas un obstacle à la connaissance. Et même, quelquefois, on s'appuie sur le hasard pour changer d'échelle et retrouver du déterminisme, un comportement relativement simple, mais on change les questions, simplement. Pour ne prendre que un exemple bébête, l'air qui est dans ce studio est constitué de, je sais pas, 1 000 milliards de milliards de particules. Évidemment, on ne les suit pas, mais en même temps, ça nous est égal de les suivre une par une. Ce qu'on veut, on change d'échelle, et puis, à l'échelle macroscopique, on va dire, on s'intéresse à la température, à la pression, à la composition, etc., etc. Et dans les systèmes complexes, y compris dans la climatologie, par exemple, la climatologie, elle se distingue de la météorologie en changeant d'échelle, justement, et en changeant la question qu'elle pose. La météorologie n'est pas capable de prédire le climat à l'échelle de 15 jours, parce que une trajectoire particulière relève du chaos, ce qu'on appelle le chaos déterministe, donc on n'arrive pas à la suivre. Mais ça n'empêche pas de savoir que dans 6 mois, en moyenne, il fera plus froid qu'aujourd'hui. Donc, le climat ne s'intéresse pas à une trajectoire particulière, il s'intéresse à l'ensemble des trajectoires, donc valeur moyenne et fluctuation, et là, on peut retrouver un déterminisme, mais on a changé d'échelle, on change de question, et donc on y arrive, quoi. À propos des démocraties, est-ce que ce raisonnement s'applique ? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui vient limiter et peut-être menacer à court terme la robustesse des démocraties ? Philippe Kowalski, vous dites que en démocratie, le pouvoir en principe est détenu par le peuple, mais le peuple est libre d'élaborer des lois qui contreviennent aux principes de la démocratie. Le peuple est libre de prendre démocratiquement des décisions qui peuvent tuer la démocratie. Ça veut dire que la capacité de suicide est inscrite dans la structure même de la démocratie. Une sorte d'apoptose, en fait, on prend une analogie biologique. Est-ce que ça vous paraît être une véritable menace à court terme dans certaines démocraties actuelles ? Écoutez, on a vu la menace à l'œuvre dans un certain nombre de situations historiques. Donc la menace existe. On l'a vu à l'œuvre, par exemple, au Venezuela. On l'a vu à l'œuvre en Allemagne. Enfin, tout ça, c'est un peu bateau, si vous voulez. Mais la capacité de suicide des démocraties, elle est évidente. Le virage vers la démocrature, comme on dit aujourd'hui, il est pris dans un certain nombre de pays et il est à la limite dans un certain nombre de pays européens. Donc oui, le risque existe et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis mis au boulot pour écrire ce bouquin. Alors justement, qu'est-ce que ça inspire aux biologistes que vous êtes ? Les biologistes connaissent l'apoptose, le suicide cellulaire. Est-ce que ça dit des choses de ce qu'il faut faire dans les démocraties pour empêcher qu'elles se suicident ? Moi, ce que ça me dit, c'est que si la démocratie est considérée pour ce qu'à mon avis elle est, c'est-à-dire un système complexe et même évidemment hyper complexe, il faut analyser un certain nombre de niveaux d'organisation de la vie démocratique pour essayer de trouver dans chacun de ces niveaux les failles. C'est ce que vous appelez les 5 dimensions de la démocratie. J'ai essayé d'organiser cette réflexion sur la démocratie dans 5 dimensions, sachant que chacune de ces dimensions pourrait être divisée en je ne sais combien d'autres dimensions. Enfin, faut. Est-ce qu'on peut les citer pour donner rapidement un panorama ? Alors, pour moi, il y a d'abord la dimension des finalités. Et on en a déjà parlé un petit peu, la démocratie, pourquoi faire ? Ça peut être effectivement pour échapper à la tyrannie, c'est un élément. Ça peut être pour avoir la paix, c'est un autre élément. Raymond Aron défendait cette option. Mais c'est également, bien entendu, une manière d'accéder au bien-être. Et donc, la question de la finalité est posée. vous avez une deuxième dimension qui est celle des valeurs. Alors, concernant les finalités, j'estime que le non-affichage de finalités claires est effectivement une faiblesse de la démocratie. Et si l'on prend la crise des gilets jaunes, dont je ne parle pas dans cet ouvrage, mais si l'on prend cette crise, il y a une crise de finalité. C'est très très clair. Les gilets jaunes exprimaient un désir de finalité qui n'était pas, dans lequel ils se reconnaissaient pas dans la démocratie française telle qu'elle est actuellement. Vous avez un problème de valeur, une dimension des valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? Il y en a plusieurs, mais il y en a les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui posent toutes sortes de problèmes. Hein. Quand on réfléchit à la notion de l'égalité, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pratiques et philosophiques. Mais il y en a d'autres. Il y a une valeur qui nous est très présente, c'est la valeur de la solidarité. Et on y tient beaucoup dans ce pays. Et d'ailleurs, le tissu social avec ses 1 300 000 associations 1901 est très rassurant de ce point de vue-là. Bon. Mais à mon sens, l'un des points de fragilité que nous avons, donc l'un des défauts de robustesse, c'est que cette solidarité ne peut pas être garantie seulement par l'État. Il lui faut son pendant individuel. Et son pendant individuel, c'est l'altruisme. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment d'altruisme entre les citoyens et les non-citoyens, les migrants, etc., eh bien, le jeu de la solidarité se dilue dans un espèce de supermarché de la solidarité dont l'État est seul responsable. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà, en gros, pour les valeurs. Vous avez des problèmes de procédure. C'est-à-dire, évidemment, les procédures démocratiques, il y en a certaines qu'on peut améliorer. Faut-il plus de proportionnel? Faut-il plus de référendum? Faut-il plus de référendum d'initiative populaire, etc.? Donc vous avez un problème, une question de procédure, avec son autre volet, qui est celui des procédures qui règlent la vie citoyenne, donc la loi, les lois, hein, et les règles. Donc là, vous avez un jeu énorme de procédures à examiner. La quatrième dimension pour moi, celle que vous avez évoquée, c'est celle de l'efficacité. Ça me paraît extrêmement important. On ne peut pas dire que les dirigeants, lorsqu'ils ont des objectifs, ne sont pas comptables d'une certaine efficacité. C'est pas la même chose d'arriver à faire une réforme en 10 ans ou en 2 ans. Les effets ne sont pas les mêmes, etc. Et nous vivons dans un système où la digitalisation a modifié les paramètres de l'efficacité, la psychologie de l'efficacité. Psychologie de l'efficacité, aujourd'hui, tout le monde veut que tout aille vite. Bon, mais il y a des réformes qui peuvent pas aller vite. Et donc, il y a un problème d'optimisation de la construction sociale positive et de la mise en œuvre et de l'explication de tout cela. Et puis le dernier paramètre est évidemment celui de la planétarisation, qui est en fait notre environnement. Vous prenez une démocratie, elle est environnée. Elle est environnée par des pays démocratiques et des pays non démocratiques. Elle est environnée par des systèmes économiques qui traversent toutes les frontières aujourd'hui. Et donc évidemment, elle est comme quelque part notre organisme. Nous sommes totalement dépendants de notre environnement et nous devons évidemment en tenir compte dans la manière dont nous vivons et survivons. Mais la finalité dont vous parlez à propos des démocraties, est-ce qu'elle peut se penser sans que l'idée de progrès soit une idée structurante? Puisque le progrès, c'est l'idée que on peut configurer le futur d'une façon crédible et attractive, et ensuite travailler à faire advenir ce qu'on a projeté à l'avance. Aujourd'hui, quand on parle du futur, les scientifiques disent des choses sur le climat, par exemple, l'énergie, l'environnement, qui sont pas très attractives. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer à parler de progrès alors même que notre vision du futur nous laisse penser qu'on va vers des difficultés insurmontables? Jacques Trenaire. Oui, alors, c'est là que on peut réintroduire peut-être la science, mais modestement, hein, mais simplement, voilà, à partir de la remarque suivante, la démocratie fonctionne avec un ensemble de règles qu'on appelle des lois, voilà, qui sont votées au Parlement. Et des principes aussi. Et des principes, et on a le droit de se tromper, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On peut faire des mauvais choix, c'est possible. Mais ça se vote au Parlement. Les lois de la physique, ça se vote pas au Parlement. Donc, rien qui est contradictoire aux lois de la physique, quand je dis les lois de la physique, c'est au sens large, c'est-à-dire c'est la chimie, c'est enfin tout ce qui relève des sciences naturelles, rien de ce qui est contradictoire avec ces lois ne se passera jamais. Donc, si on s'engage dans une voie qui est contradictoire à ces lois de la physique, eh bien, on va le payer à un moment. C'est ce que Richard Feynman, grand physicien prix Nobel, disait, la nature ne peut pas être dupée. Voilà, c'est ça. Et voilà. Exactement. Donc, ça veut dire que ça va se payer. Mais là, alors après, nous, en tant que scientifiques, on a quelque chose à dire, c'est-à-dire à expliquer justement qu'est-ce que ça signifie que les lois de la physique ne se votent pas au Parlement. Et que quand on dit les lois de Kirchhoff à propos des réseaux électriques, eh bien, on peut pas se lever comme ça de l'Assemblée. Eh ben, on n'a qu'à changer de loi de Kirchhoff et puis faire autre chose. Non, elles expriment une réalité objective qu'on ne peut pas changer, qu'on peut utiliser, mais qu'on ne peut pas changer. Et donc, si on prend précisément peut-être le problème le plus énorme, le plus grave, le plus je sais pas comment il faut, enfin il y a tous les superlatifs, donc la question énergie climat, eh bien là on peut dire des choses qui ne relèvent pas de l'ordre de ce qu'il faut faire, de la prescription, mais de l'ordre de ben voilà comment ça marche. Et donc ça il faut le faire à mon avis pas nécessairement à partir des grands principes, mais à partir des cas d'espèce. C'est-à-dire, on regarde les petites choses. François Jacob disait que la science s'intéresse pas aux grandes synthèses, elle regarde comment tombent les pierres. Et c'est comme ça qu'elle se les développait. Quelquefois, il y a des grandes synthèses qui viennent à partir de là, mais c'est un cadeau, en quelque sorte, et c'est pas en cherchant des grandes synthèses que la science progresse. Elle progresse en accumulant des petits cailloux comme ça, qui ne donnent pas un paysage complet, de la nature, mais un paysage, ces petits cailloux, on ne peut pas les ignorer, parce que sinon on bute dessus et voilà. Et si, pour prendre un exemple très très concret, on peut comparer la France et l'Allemagne sur la question des politiques climatiques, et on peut se demander, c'est une vraie question, comment il se fait que des pays aussi proches du point de vue de leur état de développement sont tellement différents du point de vue de leur politique climatique et de leurs émissions de gaz à effet de serre. De leur mix énergétique. Oui, le mix énergétique. Donc là, on a des choses à dire. Les scientifiques ont des choses à dire. Alors, Philippe Kowalski, c'est exactement le sujet de votre livre. Mais j'avais une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous... Parce qu'il est de bon ton chez les scientifiques de dire le niveau scientifique de nos députés, de nos représentants politiques est nul. Et plutôt que de dire cela, est-ce qu'ils ne devraient pas eux-mêmes s'engager en politique? Or, ils sont très peu nombreux à le faire. Est-ce que vous comprenez ce phénomène? D'où vient que les scientifiques sont peu présents dans le débat politique? Philippe Kowalski. Si vous permettez, je vais y revenir, mais je voudrais compléter ce qu'a dit Jacques. Je reviens à la question de l'idée de progrès. J'aime le progrès et je suis un fervent défenseur de l'idée de progrès. Bon, elle est battue en brèche, etc., et je reviens, parce que l'une des raisons pour laquelle elle est battue en brèche, revient à l'idée de loi. Et là, je voudrais préciser les choses. Les lois de la physique ne se votent pas au Parlement. Tout à fait d'accord. Donc, elles se votent pas au Parlement et elles ont une sorte d'existence immuable. Mais immuable, pas tout à fait. Enfin, pas tout à fait, d'accord. Mais il y a d'autres lois, et là il faut que la communauté scientifique ou une partie de la communauté scientifique se mette en question, qui ne sont pas de cette catégorie. Et en tant que biologiste, je ne peux que ressouligner pour la nienne fois à quel point l'eugénisme des années 30 s'est fondé sur une prétendue loi dérivée de la découverte des gènes, qui était que, bah, puisque les gènes sont des déterminants de l'hérédité, tout était déterminé, etc. Bon. Et des lois, si vous voulez, qui valent pas un clou, il y en a plein. Bon, pardonnez-moi, mais il me semble qu'en économie, il y en a un paquet quand même. Et donc, cette critique de l'idée de loi me paraît essentielle pour restaurer l'idée de progrès et de définir ce que sont les vraies lois de ce qui sont des généralisations hâtives qui répondent en fait à l'ego du chercheur qui a envie de découvrir une loi. Tout chercheur, moi comme vous j'imagine, on travaille bien sur un petit sujet si vous voulez, et puis l'espoir c'est que en étant dans le micro, on va trouver quelque chose qui s'applique au macro. Parce que tous ces systèmes complexes oscillent évidemment forcément entre le micro et le macro. Donc l'espoir de tout chercheur, c'est de découvrir au niveau niveau micro quelque chose qui va être général. Mais il faut pas tomber dans le piège. Et moi, ça me paraît extrêmement important pour restaurer l'idée de progrès, parce que l'idée de progrès, dans un système complexe, est une idée elle-même complexe qui doit être appréciée à partir de multiples paramètres et qui ne peut pas faire l'objet d'une classement de Shanghai. Cette appréciation suppose qu'on se livre à beaucoup de pédagogie. Oui. Et la question, c'est comment justement mieux faire circuler les idées de la science dans la société, compte tenu des obstacles dont on a déjà parlé. Alors, Jacques Trenner, vous passez beaucoup de temps à faire justement de la diffusion des connaissances scientifiques. Quels sont les obstacles qui vous apparaissent les plus massifs? Oui, alors si on revient à la problématique énergie-climat, y a des évidences. Hein, avec le Shift Project, on a fait une étude sur la façon dont c'était enseigné dans l'enseignement supérieur, cette problématique énergie-climat. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventivité, etc. Mais en général, et on a regardé plusieurs dizaines de grands établissements, des écoles d'ingénieurs, des universités, etc., toutes sortes de choses, des écoles de journalisme. En général, c'est fait en fin de parcours, comme une espèce de supplément d'âme, pour rappeler que, bah oui, il y a un petit problème là. Mais, en fait, pour répondre à votre préoccupation, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire en entrée à l'université. Parce que si ce que nous disent les climatologues est vrai, aucun secteur ne va y échapper. Ni la publicité, ni l'assurance, évidemment les ingénieurs, mais toutes les professions vont être impactées par ça. Donc, toutes les filières universitaires, toutes même les filières si elles sont universitaires. Non scientifiques. Et donc, moi, avec d'autres, enfin, on travaille à la mise en place, justement, d'un cursus, enfin, d'un enseignement. Dont les grandes lignes sont citées dans l'une de vos chroniques. Voilà. Et qui démarrait en première année d'université. Et c'est quelque chose qui est en train de se préparer dans plusieurs établissements. Par exemple, le réseau Polytech va démarrer quelque chose l'année prochaine. Mais il y a des centres universitaires comme Paris-Saclay, comme Paris 7, enfin, qui s'appelle maintenant l'Université de Paris, est en train de réfléchir à ça et de mettre en place des choses comme ça. Et ça, c'est pour des milliers d'étudiants. Parce que c'est vraiment toute filière confondue. Alors, il faut former des enseignants qui, en fait, ne sont pas véritablement formés là-dessus, donc il faut qu'ils apprennent eux-mêmes, et c'est là que ensuite on va aussi former des enseignants pour le secondaire et savoir jusqu'où aller trop loin dans la restitution du problème général qui est anxiogène quand même. Il faut bien le dire, c'est pas, il n'y en a pas que des bonnes nouvelles à donner. Donc pour le secondaire, je pense qu'il faut prendre des précautions, et c'est pour ça que en fait on a décidé de faire ça dans le supérieur, de commencer par le supérieur. Mais manifestement, aucun des on a regardé à Sciences Po par exemple, ou à l'ENA, où on est allé, etc. Les gens ne savent pas le pourquoi et le comment des choses. Est-ce que c'est pas le moment d'écouter un peu de musique? C'est toujours le moment d'écouter un peu de musique. Alors, vous allez écouter la sonate numéro 24 de Beethoven. Thank you. Jacques Trenner, c'est vous qui avez choisi cet extrait de la sonate numéro 24 de Beethoven, L'Andante con moto. Il y a une raison à cela? Oui, alors en fait, j'avais choisi cette sonate, mais pas ce mouvement, qui était plus lent et peut-être trop lent et pas assez dynamique pour la radio. En fait, dans l'histoire d'Irène Curie, ce qui est merveilleux dans cette affaire, c'est pas le cas particulier de ce dispositif qui tombe, c'est le geste de la pensée qui s'empare de cette réalité, la fait sienne, en l'observant, la recrée dans la pensée, et trouve le bon comportement de ce petit bout de nature de pensée qui dit l'expérience sans qu'on la fasse. Et ça, c'est extraordinaire, c'est de toute beauté. Et donc, en fait, quand on écoute un morceau de musique, celui-là ou un autre, la musique, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, la musique, d'une part, c'est vraiment le déroulement dans le temps. C'est la sculpture du temps. Si on veut sculpter le temps, ben, on fait de la musique, voilà. Et donc, c'est le bon geste à chaque instant. Voilà. Il faut le bon geste à chaque instant. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc, tant qu'il y aura des pianistes, il y a toujours de l'espoir. Il y aura de l'espoir. Philippe Gorinski. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un livre que je trouve très original, d'interroger le lien qu'il y a ou qu'il devrait y avoir entre la science et la démocratie. Mais j'ai pas bien compris si vous souhaitez un engagement plus fort des scientifiques dans l'exercice du pouvoir politique ou bien si ce sont les leçons que la méthode scientifique nous permet de définir qui devraient être utilisées en politique. Ce qui suppose que des gens soient capables de les connaître, ces leçons, ce qui suppose donc que ces gens aient des compétences scientifiques. Dans la science, vous avez trois dimensions. La première, c'est les résultats de la science. Et bien sûr, la technologie qui suit ou qui va avec. La seconde, c'est la méthode scientifique. Ça, c'est une méthode de réflexion. C'est une méthode de retour à l'expérience qui, aujourd'hui, doit être d'ailleurs adaptée à la complexité et aux manières de penser la complexité. D'autant qu'il n'y a pas qu'une seule méthode scientifique. Selon les disciplines, il y a des variations. Il y a des variations, bien sûr. Et la troisième dimension, ce sont les scientifiques eux-mêmes. Donc vous me questionnez sur cette troisième dimension, quel est le rôle des scientifiques. Et d'habitude, on dit, les scientifiques, ils devraient mieux expliquer ce qu'ils font. C'est pas faux, hein. Certains font l'effort de bien expliquer, et mon voisin en est un bel exemple. Mais souvent, ils sont pas très bons, quoi. Hein. J'ai toujours dit que, dans un débat sur les OGM, si j'étais confronté, disons, à José Bové, je ne tiens pas la route une seconde. Ok. Donc, les scientifiques ont un petit problème d'explication scientifique qui vient de leur nature, de leur tempérament, des contenus. Bon, les contenus, moi, je pense qu'on arrive toujours à expliquer les contenus. Mon expérience d'enseignement au Collège de France me montre que même quand on prend un problème très difficile, il faut beaucoup travailler et on arrive à vraiment trouver finalement quelque chose de simple. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont vous-même, Étienne Klein, avait donné de clair plutôt. De clair, oui. De clair. Oui, de simplifier. Parce que c'est jamais très simple. De simplifier, disons. Clarifier. Et de clarifier. Voilà. Maintenant, le rôle des scientifiques, c'est pas uniquement ça. Est-ce que les scientifiques peuvent ou doivent s'engager en politique? Bon, ben, certains le font avec succès. C'est pas fréquent. Mais réalisons que les communautés scientifiques représentent quand même un ensemble de citoyens assez consistant. Quand on fait les calculs en France, les communautés scientifiques, c'est un bon pourcent, voire plus, du monde actif, du monde du travail. Bon. Et c'est un pourcent qui est évidemment un niveau d'éducation relativement élevé. Bon, et donc ces forces sont aujourd'hui à peu près immobiles. Elles sont mobilisées dans quelques institutions comme le GIEC, qui est une magnifique institution. Mais beaucoup de scientifiques restent dans leur labo, tranquilles. Ils sont confortables, au fond, ils sont dans leur cocon, ils cherchent, c'est formidable de chercher, voilà. Donc, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas tout à fait assez d'argent pour faire tout ce qu'ils voudraient faire. Ok, tout ça fait partie du jeu, mais est-ce que les scientifiques peuvent et doivent faire quelque chose de plus ou peuvent et doivent mieux faire? Pour moi, la réponse est oui, et d'une façon qui est assez peu réaliste, la vision que j'ai, c'est que les scientifiques devraient être des apporteurs de méthodes scientifiques, précisément, puisque ce sont en quelque sorte des professionnels de la méthode scientifique. Mais dans quel cadre ? Alors, l'expérience montre que les cadres de discussion ordinaires, tels qu'ils ont été pratiqués jusqu'à présent, dans les grands débats sur les OGM, le nucléaire, etc. Les nanosciences, ça s'est pas très bien passé en 2009 et 2010. Ça se passe jamais bien, en fait. Ça se passe jamais bien, et c'est envahi par des militants qui veulent faire la promotion de l'idéologie et qui, en gros, tordent les réalités ou cherchent à tordre les réalités pour qu'elles rentrent dans des cadres idéologiques. Donc ça se passe pas bien. Dans le cas des OGM, ça s'est jamais bien passé. Et du nucléaire, pas vraiment non plus. Donc moi, ce que j'imaginerais, c'est qu'il faudrait organiser des conférences de consensus. Des conférences de consensus, c'est des conférences dans lesquelles les participants rentrent en acceptant un certain nombre de règles, et en essayant de laisser, ce qu'ils n'arrivent jamais à faire complètement, mais en essayant de laisser leur idéologie au vestiaire. Bon. Et l'idée, c'est qu'on va se mettre d'accord, essayer de se mettre d'accord pour trouver la meilleure solution possible à un problème posé. Et si on arrive au consensus, on publie le consensus. Si on n'arrive pas au consensus, on publie le dissensus avec les attendus qui ont conduit à cela. Ce sont des systèmes qui fonctionnent dans un certain nombre de milieux, en médecine notamment, ou pour définir les meilleurs protocoles pour arriver à soigner une maladie, etc. On fonctionne avec ce mécanisme et ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a d'autres pays européens où ça fonctionne mieux qu'en France. Est-ce qu'il y a en France une particularité qui empêche que ça se passe aussi bien ? Par exemple, le droit de savoir, qui est parfaitement légitime en démocratie, le droit de savoir n'est pas forcément convertible en désir de connaître. Le désir de connaître suppose un effort, un travail même, et il suffit pas de revendiquer le droit de savoir pour que l'envie de connaître en soit la conséquence. On a souvent souligné l'absence de pragmatisme dans la culture française, et je pense qu'on a raison à un certain niveau. Le pragmatisme existe, bien entendu, mais c'est vrai que dans la société française, on s'enflamme très vite sur l'idée que, etc., sans faire beaucoup attention aux chiffres. Et de fait, il faudrait avoir des retours de réalité un peu plus sérieux. Jacques Trenner. Oui, je crois que le problème climatique ouvre des possibilités de ce point de vue-là, dans la mesure où il y a des objectifs qui sont clairement définis, c'est-à-dire on espère continuer à fonctionner, quoi, en tant que société humaine. Je prends un exemple. Imaginez, dans une région, voilà, il y a un conseil général ou des élus, etc., qui sont convaincus que, oui, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Donc, ils frappent à la porte du climatologue du coin et lui disent « Et alors, chez nous, ça va donner quoi ?» Parce que le 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, etc., à l'échelle mondiale, ça n'a pas de sens. Au niveau régional, il faut regarder un petit peu ce qui va se passer. Et alors, là, le climatologue, il se racle la gorge, et puis il dit, écoutez, je suis désolé, mais moi, je peux pas vous dire à l'échelle mondiale ce qui va se passer. Ah bon, pourquoi ? Mais parce que dans les simulations numériques qu'on fait, on prend, au début des simulations, c'était un point tous les 500 kilomètres, et maintenant, on prend un point tous les 100 kilomètres. Quelquefois, on arrive à descendre un petit peu en dessous. Mais ça veut dire que le Mont Blanc a disparu, que les Alpes deviennent des collines, etc., un point tous les 100 kilomètres. Donc, comment résoudre le problème ? Eh bien, il faut, et c'est ce que Hervé Le Treut a piloté dans la région Aquitaine, parce qu'il est originaire de Bordeaux, eh bien, il faut s'appuyer sur les experts de terrain des différents domaines, l'agriculture, l'eau, tout ce qu'on veut, l'industrie, hein, et puis faire se rencontrer les scientifiques de la grande échelle avec les experts de terrain qui, à travers la variabilité climatique habituelle, eh bien, savent repérer les endroits fragiles, les endroits robustes, là où il va y avoir des effets, etc. Est-ce qu'on peut continuer à faire du maïs ici, si ça s'assèche, etc. ou pas? Bon. Et donc là, il y a une vraie rencontre entre les scientifiques académiques et puis les locaux, mais dans un cadre où on voit bien qu'il y a des enjeux pratiques à résoudre. Et le premier rapport qu'ils avaient publié il y a quelques années Donc, alors, c'est 20 scientifiques et 150 experts de terrain qui ont travaillé pendant 2 ans pour produire le premier rapport qui s'appelait « Le réchauffement climatique en Aquitaine ». Maintenant, ils viennent de refaire une deuxième version, tout ça c'est en ligne, c'est disponible, qui s'appelle, plus modestement mais plus fondamentalement aussi, « Prévoir pour agir ». Et alors là, ce qu'il y a d'intéressant dans ces préoccupations, c'est que on mêle les deux grands dossiers des politiques climatiques, et d'une part la réduction des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation à un changement qui, de toute façon, aura lieu compte tenu des émissions passées. Et les deux dossiers se mêlent quand on cherche des actions concrètes qui tiennent compte des spécificités de la région, etc. Là, il y a un point de rencontre. C'est une espèce de forme de démocratie nouvelle. C'est pas tout à fait les conférences de consensus. Ça le généralise, je trouve, et c'est extrêmement intéressant. Et c'est quelque chose qu'il faudrait promouvoir dans l'ensemble des régions de France. Philippe Kowalski. Oui, c'est un point de vue très très intéressant et que je partage totalement. D'autant qu'à mon sens, l'évolution de la science fait que, et des réalités sociales, mais l'évolution de la science va aller vers beaucoup de local et de territorial, pour beaucoup de raisons, et dans beaucoup de domaines. Je prends le domaine que je connais le mieux, et les territoires ne sont pas les territoires physiques que l'on connaît, mais la médecine se personnalise. On n'est pas à la médecine réellement individualisée, on n'y sera pas d'ici longtemps, on n'y sera peut-être jamais, mais elle se personnalise. Les définitions des pathologies sont en train d'éclater dans tous les sens, et quand on réfléchit à ce que veut dire ce mouvement, ça veut dire qu'en fait c'est l'acquisition des données qui augmente, qui s'affine, qui etc., qui fait que on est en train de passer du macro vers du micro et de plus en plus de micro. Évidemment, quand on regarde au niveau micro, donc du terrain, que ce soit un terrain organique chez l'homme ou le terrain physique de l'agriculture, ben on voit évidemment de plus en plus de différences, etc. Toutes ces différences doivent être évidemment réfléchies, interprétées, etc. Et donc la science, à mon avis, va réellement de plus en plus dans ces directions. La science, une partie de la science, bien entendu, et on ne va pas dire ça de l'astronomie. Mais il y a un mouvement là qui rejoint les préoccupations sociales et qui, effectivement, comme vous le dites très bien, font que le rendez-vous du social et de la science doit se nouer ou va se nouer, dans beaucoup de cas, au niveau local. Mais quand on pense à la science et à son rôle dans la démocratie, on pense aujourd'hui plutôt à l'intelligence artificielle, à la révolution que constitue le big data. Jacques Trenner, vous consacrez à cette question une chronique, montrant que cette intelligence n'est pas capable de faire des démonstrations mathématiques. Elle peut trouver des corrélations, parfois peut-être même des causalités, mais en tout cas pas démontrer au sens mathématique du terme. Et vous, Philippe Kowalski, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la façon de mieux comprendre les ressorts de la démocratie ? C'est-à-dire sans passer par des acteurs personnalisés, si je veux dire, mais plutôt par des algorithmes. Bon, il y a beaucoup de, presque des fake news à propos de l'intelligence artificielle. Elle fait beaucoup de choses, mais fondamentalement, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est de nous aider à gérer des masses énormes de données, à les comprendre et à trouver les modes d'action. Bon. Que ces nouveaux mécanismes soient asservis, si je peux dire, à des objectifs démocratiques est un enjeu extrêmement important. Effectivement, ça amène, je pense, à pousser l'argument que pour parvenir à cela, il faut absolument une certaine éducation du public. Et l'une de mes préoccupations que j'exprime à la fin de mon livre, c'est que finalement, les citoyens, d'ici un certain nombre d'années, soient dépossédés de leur capacité de citoyenneté, parce qu'en réalité, ils n'ont plus les moyens de comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a un autre enjeu pour la science, qui est un enjeu d'explication, effectivement, et un enjeu de partage, si vous voulez, qui fait que, si l'on n'y prête pas attention, On verra les fake news se développer, on verra les idéologies gagner, sans que les retours de réalité soient suffisants pour contraindre un peu ces phénomènes. Alors c'est pourquoi votre chapitre 8 s'intitule « Mobiliser la science et les intellectuels au service de la démocratie ». Mais justement, expliquer la science, est-ce que c'est pas rendu plus difficile par le fait qu'il y a une sorte de crise de la patience qui fait qu'on n'a pas le temps d'expliquer les arguments qui fondent la méthode scientifique? On donne des résultats sans dire d'où ils viennent, de sorte qu'on les présente avec ce qui ressemble à des arguments d'autorité, plutôt qu'à des résultats d'une méthode rigoureuse qui a été appliquée pour les faire advenir. Jacques Trenner. Oui, mais ça c'est à travers les réseaux sociaux essentiellement que se passe le phénomène que vous décrivez. Parce que si je pense à la façon dont ont travaillé ces gens dans la région Aquitaine pour produire leur rapport, y compris d'ailleurs un rapport sur le vin, parce que dans la région de Bordeaux c'était important. C'est un sujet. C'était pas mêlé au reste, mais c'est un rapport spécifique. Mais ça suppose qu'ils s'investissent, qu'ils consacrent du temps. C'est-à-dire que la démocratie suppose de ne pas en être un passager clandestin, mais suppose qu'on agisse en retour de ce qu'elle nous procure. Mais bien sûr. Donc il faut que les objectifs soient bien définis pour le vin. C'est absolument bien défini et tout le monde comprend qu'il faut y passer du temps et se demander quel cépage on va garder, quel cépage on va changer, etc., etc. Sur l'intelligence artificielle et la question corrélation-causalité, quand vous avez une masse de données et que vous cherchez des causalités, vous allez en trouver mais par millions, des corrélations. Par exemple, si je regarde l'augmentation de la population mondiale, elle augmente. Si je regarde l'augmentation du nombre de visiteurs chinois en France, ça augmente aussi. Donc, si je trace l'un en fonction de l'autre, j'obtiens une corrélation parfaite. Donc, si on diminue les visites de chinois, il y aura moins de population mondiale. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut en déduire ça? C'est pas certain. Donc, pour passer d'une corrélation à une causalité, il faut une théorie explicative. Il faut beaucoup travailler. Comment? Il faut beaucoup travailler. Bien sûr, oui, parce qu'il faut une explication qui vous dise, qui vous rende compte de cette causalité. Que cette corrélation a bien une causalité sous-jacente. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que l'intelligence artificielle va faire des choses extraordinaires, mais il faut faire gaffe parce que quand on manipule beaucoup de données, il y a plein de corrélations qui n'ont aucun sens, qui sont purement spurieuses. La deuxième chose, c'est que... La dernière chose, c'est que ce qui différencie, enfin une des choses qui différencie quand même, mais de façon très importante, l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence artificielle est dédiée. Elle est dédiée pour jouer aux échecs, pour jouer au go, et là, ça gagne, etc., etc. Mais l'intelligence humaine, elle n'est pas dédiée. Elle sait faire des tas de choses. Comme dit Hubert Krivine, Kasparov, il sait jouer aux échecs, mais il sait faire des œufs sur le plat aussi. Et l'ordinateur qui bat Kasparov aux échecs n'est pas capable de faire des œufs sur le plat. Donc c'est une différence importante à laquelle il faut réfléchir, surtout à cette heure-ci de la journée. Cette conclusion qui est en fait pleine d'espoir pour l'intelligence humaine sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les deux, Philippe Kourilski, Jacques Trenner. Je recommande la lecture de vos ouvrages respectifs, de la science et de la démocratie. Pour Philippe Kourilski, un peu de science, ça ne peut pas faire de mal pour Jacques Trenner. Je regrette que nous n'ayons pas eu le temps d'évoquer d'autres chroniques merveilleuses sur d'où vient le ciel est bleu, etc., qui sont des délices à lire dans votre ouvrage, Jacques Trenner. C'était donc La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était en quelques instants, nous retrouvons Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.